Merci à vous d'être venu ce soir à la médiathèque protestante, à la rencontre de Marc et Léonard. Alors, je n'aurai pas le toupet de présenter notre invité de ce soir. Je pense que la plupart d'entre vous, vous le connaissez déjà bien. Et puis, il pourra dire quelques mots pour se présenter lui-même. Il connaît ne serait-ce que la maison, pour ne pas dire l'Alsace, infiniment mieux que moi. Mais je voulais juste dire quelques mots en introduction avant de lui céder la parole. Donc je vous remercie d'être venu, puis je remercie évidemment aussi Marc Léonard d'être venu. Et tout dernièrement à la librairie au Berlin, avec qui nous fonctionnons en partenariat ce soir, j'ai discuté avec Monseigneur Doré, merci. Et nous parlions de votre dernier livre, n'est-ce pas ? Et puis rapidement, je me suis rendu compte que pour Monseigneur Doré, votre dernier livre, c'était celui du mois de février sur l'identité alsacienne, et pas celui du mois de mai sur le jour vient, prédication et méditation. Donc nous pouvons saluer, je crois, la célérité avec laquelle vous nous donnez ces livres, qui sont tous le fruit d'une longue réflexion, et vous pouvez mettre à profit votre retraite pour nous faire partager votre science. Et je suis particulièrement heureux de cette opportunité de vous avoir avec nous ce soir, parce que vos livres sont à la fois... Vous mobilisez à la fois toute votre science et toutes les années et les années et les années de science qui sont derrière vous, et à la fois un grand souci de la transmission, un grand soin mis à la pédagogie. Alors voilà, je trouve vos livres toujours très lisibles. Alors ça, c'est pas toujours le cas de tous les auteurs, donc je voulais particulièrement vous remercier pour ça. Avant de venir ce matin dans ma bibliothèque, j'ai regardé attentivement, j'ai compté tous les Marc Léonard qu'il y avait dans ma bibliothèque, et écrit par Marc Léonard ou sous la direction, et j'en ai compté 17. Alors, et je suis loin, je crois, de les avoir tous, il m'en manque encore quelques-uns. Alors je ne sais pas combien vous en avez dans votre bibliothèque, alors j'espère que ce soir vous en aurez un de plus si vous ne l'avez pas encore. Je ne sais pas combien on en a à la médiathèque, mais je pense qu'on en a encore plus que ça. Mais voilà, c'est une œuvre que je trouve absolument impressionnante, et voilà, je voulais juste dire ces quelques mots avant de vous passer la parole. Peut-être une dernière chose avant, vous le savez mieux que moi, il y a eu dans le protestantisme en particulier, mais pas seulement, mais surtout dans le protestantisme, une longue tradition de publication de recueils de prédications, et j'en ai aussi beaucoup dans ma bibliothèque. Il y en a aussi énormément dans cette médiathèque protestante, mais c'est un genre qui tombe un petit peu en désuétude. Donc je suis reconnaissant à Marc Léonard, et je suis reconnaissant aux éditions Olivetan d'avoir pris ce risque. Voilà, ce risque, voilà, de publier ce recueil de prédications, parce que c'est, hélas, un genre qui tombe en désuétude. Et pour être prédicateur aussi, je sais bien que quand on est un petit peu en panne et qu'on a du mal à renouveler son genre, on est toujours content d'avoir des aides sous la main. Alors il y a des commentaires pour cela, mais il y a aussi quelquefois des recueils. Et je subodore que ce livre-là rendra de grands services aux prédicateurs d'aujourd'hui et du futur. Voilà. Donc je voulais aussi particulièrement vous remercier pour cela. Mais je ne veux pas monopoliser la parole, je vous la laisse volontiers. On a prévu que vous disiez quelques mots pendant une dizaine de minutes, un quart d'heure. Et puis après, vous pourrez participer, poser des questions, que ce soit le plus interactif possible. Voilà. Merci pour ces paroles si aimables et exagérément aimables à mon égard. Je suis content d'être avec vous ce soir pour parler d'un sujet qui effectivement demande réflexion à bien des égards, à savoir la prédication. Alors, il y a dans ce volume 40 prédications, textes de prédication, la plupart sur un texte biblique bien identifié qui se trouve au début, et puis 3-4 sans texte biblique. Je pense qu'on peut aussi, exceptionnellement, quand on est appelé à le faire, ça m'est arrivé à la cathédrale de Strasbourg une ou l'autre fois, délivrer un message sans lien direct avec un texte. Cela dit, je pense qu'on peut réfléchir, on peut se demander, est-ce qu'il est opportun de publier des prédications ? En effet, c'est d'abord, on le sait bien, un genre oral, et puis ça s'inscrit, une prédication s'inscrit dans un temps et en un lieu donné, précis, un contexte qui n'est pas nécessairement celui du lecteur. Et ce qui a frappé l'éditeur, Olivetan, c'est le lien de beaucoup de ces prédications, notamment avec l'Alsace, ce qui fait peut-être un lien aussi avec l'autre livre sur l'identité alsacienne. Et c'est vrai que la plupart de ces prédications ont vu le jour quelque part en Alsace dans l'une ou l'autre occasion. Ce qui m'a poussé quand même à envisager une publication, ce sont trois raisons. D'abord, je célèbre environ un culte une fois par mois, toujours. Et ce qui arrive, c'est qu'on m'a souvent ou fréquemment demandé le texte de la prédication, ce qui m'a incité à prolonger ainsi l'oral par l'écrit. Et puis la deuxième raison, c'est que je m'adresse par ce livre aussi à des personnes qui n'ont plus les forces, la capacité de venir au culte pour des raisons physiques, malades ou personnes âgées, avec l'espoir que ça peut leur rendre service. Et enfin, vous l'avez déjà un petit peu évoqué, je souhaite aider les pasteurs, prédicateurs laïcs, lecteurs dans leur mission, peut-être aussi les encourager. J'ai une fois rencontré un homme dont les parents auraient voulu qu'il devienne pasteur, et alors il m'a dit, je ne suis pas devenu pasteur parce que je ne voulais pas faire une dissertation toutes les semaines. C'est une raison aussi pour ne pas s'engager dans cette voie. Il a fait tout à fait un métier, tout à fait, bien sûr, intéressant et honorable. Mais voilà ce qu'il a un peu retenu, n'est-ce pas, quand même l'idée qu'il fallait et qu'il faut, en effet, plusieurs heures pour préparer une prédication. Alors, ce que je souhaite, c'est encourager par là et donner envie en montrant que c'est une joie d'annoncer l'Évangile et pas seulement une charge ou un devoir qui pèse. Alors, les lieux dans lesquels je me situe depuis 50 ans sont faciles à évoquer. J'étais pasteur de paroisse pendant 8 ans, enfin d'abord en Algérie, pendant 10 mois, et ensuite 8 ans ici en Alsace, donc le cadre culturel normal où j'étais appelé à prêcher. J'ai ensuite été professeur de théologie, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais pour essayer de situer les choses. Là, le lien semble moins direct avec la prédication. En effet, on attend d'un universitaire qu'il garde une distance critique avec l'objet, avec ce qu'il dit, avec ce qu'il étudie. Si on me fait cette objection, pour l'instant on ne l'a pas encore faite, mais ça pourrait encore venir, je dirais qu'au XVIe siècle, les enseignants des académies protestantes et des facultés de théologie prêchaient aussi. Et puis, qu'est-ce que la théologie ? Qu'est-ce que la théologie sinon la présentation de la parole de Dieu, de son histoire, de sa réception, de son actualité et aussi des critiques qu'elle rencontre. J'ai été président d'église, donc appelé en maintes occasions à délivrer des messages, voire des prédications. Il faut toujours parler quand on a cette fonction. Ça ne sert pas toujours à quelque chose, mais au moins il faut parler et écouter. J'ai enseigné l'histoire du christianisme, ce qui m'a amené à fréquenter quasiment tous les jours les grands témoins de la foi, théologiens, docteurs, interprètes de la Bible, mais aussi d'autres hommes et femmes de foi, gens les plus simples, dont la vie reflétait de façon souvent profonde la spiritualité chrétienne. J'ai fréquenté aussi ceux qui contestaient le christianisme. En effet, l'annonce de l'Évangile, à mes yeux, doit tenir compte des critiques et des objections, et il y en a, pas seulement depuis le XIXe siècle. En effet, ces critiques et ces objections nous poussent, à leur manière, à réfléchir sur les fondements de la foi et sur la vie des églises et des chrétiens, et aussi sur la vie des chrétiens et des églises dans leurs errements et dans leurs défaillances. Donc, je donne toutes sortes de citations de Freud ou de Marx ou d'autres dans ces textes. Et puis, en annonçant l'Évangile, je veux dialoguer avec les hommes et les femmes de la Bible, à la fois les auteurs des textes, bien sûr, la Bible est un livre qui contient un ensemble de livres, avec des auteurs divers de tous les temps, avec donc une grande diversité. Mais aussi, je veux dialoguer avec les femmes et les hommes qui sont en quelque sorte mis en scène, auxquels on donne la parole, dans ces textes, dans les évangiles en particulier, dialoguer avec ces hommes, discerner les femmes, discerner leurs errements, leurs erreurs, mais aussi la foi. Et puis au-delà de ces histoires, la Bible est un livre plein d'histoires, du début à la fin, bien au-delà de ces histoires, de ces récits qui concernent ces histoires, ce qui me retient, c'est de percevoir ce que Suzanne de Dietrich appelait le dessein de Dieu dans l'histoire et dans notre histoire. Et donc, ce but m'a incité ou me pousse à des prédications à la fois narratives et existentielles. Je crois qu'une prédication, ça ne doit pas seulement contenir des idées. Une idée peut-être même suffit si on la développe de tous les côtés. Mais il faut raconter. Il faut raconter. Et la Bible s'y prête. C'est pas un traité de philosophie, mais ce sont un ensemble de récits. Et même quand on prêche des épîtres, c'est quand même une possibilité de raconter des choses, de raconter quelque chose. Mais en même temps, il faut que ce soit des prédications existentielles. Luther insistait beaucoup sur le promé, c'est-à-dire sur l'application de l'histoire du salut à la vie personnelle, existentielle des auditeurs. Donc se promet, comme il disait. Et puis, en faisant cela, avec l'existentiel et avec le narratif, il faut, à mon sens, faire place aussi à l'humour. Déjà, la Bible est pleine d'humour. L'Ancien Testament, d'ailleurs, plus que le Nouveau Testament, ce qui m'a toujours frappé, mais il y en a aussi un peu dans le Nouveau Testament. Mais dans l'Ancien Testament, vous avez beaucoup d'humour. Et il est sûr qu'on peut faire passer les choses les plus sérieuses et les plus existentielles et les plus profondes à travers l'humour. Je fais place aussi au chant. Je cite dans un ensemble de prédications des versets de chants chantés dans nos communautés avec l'espoir que s'établisse ainsi une sorte de consonance ou de connivence, si vous voulez, entre le lecteur et ces expressions de la foi que sont les chants. Et je tiens beaucoup à ces expressions de la foi. Je me rappelle quand j'étais jeune étudiant et que je voulais faire un mémoire de maîtrise, j'ai demandé à mon directeur de théologie qui s'appelait Charles Hauter de faire un mémoire sur les chants. Alors il m'a regardé avec de grands yeux et il m'a dit c'est pas intéressant sous l'angle dogmatique. Les chants, c'est uniquement des versets. C'est-à-dire, il faut que ça rime. Alors, j'ai changé de sujet, mais je suis quand même revenu dans ma thèse sur la christologie aussi de Luther à travers ses chants. Quand on prêche, on s'inscrit dans une double polarité. Première polarité, c'est la tension entre une exégèse précise et si possible convaincante, il faut avoir des commentaires à portée de main, et puis d'autre part, l'autre pôle de la polarité, c'est l'attention portée aux défis personnels, sociétaux, politiques, des temps présents. Et je pense que ces deux dimensions, ces deux pôles s'appellent, se fécondent mutuellement. Alors, certes, il faut bien le souligner, après quelquefois on l'oublie, la prédication ne peut pas se restreindre à l'exégèse. J'ai entendu déjà des prédications qui étaient des cours d'exégèse, savants, etc. Mais évidemment, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il ne suffit pas d'exposer longuement le chantier exégétique et montrer comment on sait l'hébreu et le grec et savoir combien de mètres mesurait l'arche de Noé et autres spécialités exégétiques et historiques. Ça ne suffit pas. Ça, il faut que ce soit présent à l'arrière-plan ou à la base. Mais ce n'est pas cela une annonce de l'Évangile. Alors, mais renoncer au chantier exégétique, renoncer à l'exégèse, c'est très risqué pour tomber uniquement dans l'actualité. Je crains qu'on succombe alors soit au journalisme, je n'ai rien contre les journalistes, mais chacun à son genre doit s'exprimer, ou alors de succomber à l'idéologie ou de se répéter. Le lien au texte nous empêche de nous répéter, de suivre nos dadas. Chacun de nous a ses dadas. Je pourrais vous sortir les citations que j'aime sortir, ou les anecdotes que j'aime raconter. Avec le temps, on finit quand même par se répéter. Et justement, le texte est un garde-fou pour que vous ne succombiez pas à ces erreurs. Deuxième polarité, c'est la polarité entre l'indicatif et l'impératif. Je pense que les deux font, alors ça soulève des montagnes de débats de la tradition luthérienne, réformée et d'autres choses. Je crois que l'annonce de l'évangile, c'est d'un côté une proclamation que Dieu est. Que Dieu est et qu'il agit dans l'histoire. Et d'un autre côté, cette annonce de l'évangile, cette prédication appelle à témoigner, appelle de cette grâce à en vivre, pour qu'elle ne devienne pas, comme dirait Bonhoeffer, une grâce bon marché. L'impératif, le Nouveau Testament parle de paraclèse, il ne parle pas de loi, mais de paraclèse, ce n'est pas un oukase, mais c'est une invitation, une exhortation, en quelque sorte, de partager la joie de la foi et de l'évangile. L'indicatif et l'impératif se conditionnent réciproquement, s'appellent l'un l'autre. Le message chrétien n'est pas une simple histoire sacrée, ni une liturgie céleste. Ce n'est pas non plus un ensemble de commandements. Combien de fois confrontons l'évangile avec un ensemble de commandements? C'est plus, c'est encore autre chose. Coupé de la grâce, si on ne fait que prêcher la morale, quelquefois d'ailleurs apprécier la morale, mais enfin ce ne serait plus, on s'étiolerait dans le moralisme. L'annonce de l'Évangile, et j'essaie de le faire dans ce texte, s'adresse à l'homme dans sa globalité. À la tête, bien sûr, car il y a des choses à faire comprendre. Je m'inscris en faux contre l'anti-intellectualisme si répandu aujourd'hui. Il faut éviter, y compris dans les églises, de succomber à la niaiserie et à la banalité, et de dire des choses qui coulent de source, et d'enfoncer des portes ouvertes. Il faut quand même garder quelque chose du côté surprenant, choquant quelquefois, de l'évangile, et non pas le dilapider comme ça, comme une banalité. Alors c'est vrai que dans le passé, notamment dans le protestantisme, on a souvent été trop intellectualiste, voire trop doctrinaire. Mais je pense qu'il faut aujourd'hui éviter de tomber dans l'autre extrême et de prendre les gens pour stupides en ne faisant pas un effort aussi de réflexion. C'est vrai qu'il faut faire place à d'autres dimensions que l'intellect dans une prédication, en particulier au cœur et à la sensibilité. Il y a encore 40 ans, c'était mal vu, et les cantiques qui étaient portés sur la sensibilité, le sentimentalisme étaient dans le recueil de cantiques de 1950 en Alsace, relégués tout à fait dans un appendice. Ils sont revenus, ces cantiques, parce qu'ils étaient tellement chers au cœur des fidèles. Alors je pense que le cœur et la sensibilité, ça son droit, ça sa raison d'être, sans succomber pour autant à la sensiblerie et au sentimentalisme. Enfin, je pense qu'il faut s'adresser à la volonté. En effet, il faut indiquer des pistes pour l'engagement. Des pistes pour l'engagement, il faut mettre en mouvement des actes, des intentions. Donc, l'homme dans sa globalité. Il ne faut pas jouer l'un contre l'autre. Il faut que dans toute prédication, dans tout texte, dans tout message, il y ait ces trois dimensions. Mon propos dans le présent volume est de communiquer, je l'ai déjà dit, je me répète, quelque chose de la joie et de la force du message chrétien. Nous savons, les uns et les autres, combien il est peu évident aujourd'hui de croire au sein de nos sociétés sécularisées face à ceux qu'on appelle les maîtres du soupçon, toujours à l'œuvre dans une Europe morose, désabusée, où les églises soit sont marginalisées, soit quelquefois déconsidérées. Et nous savons aussi qu'il y a un problème qui taraude nos contemporains, qui revient toujours et toujours, et bien sûr il est présent de bien des manières dans ce volume, c'est le problème du mal. Il taraude nos contemporains, en particulier depuis les tragédies du XXe siècle. Il est clair que nous n'avons pas de réponse toute faite à l'interrogation sur le mal. Comme disait Karl Barth à propos du mal dans le livre de la Genèse, le mal, le serpent, pour prendre l'image, c'est un impossible devenu possible. On peut l'exprimer seulement de façon paradoxale. Personne ne peut expliquer le mal, le grand mal à l'origine, et puis le mal dans ce qui taraude dans nos vies, ce qui nous frappe, personne ne peut l'expliquer. On peut seulement attester faiblement, à l'aide de quand même d'un certain nombre de passages bibliques, l'espérance qui nous habite. J'ai notamment une prédication sur Jean 9, j'aime beaucoup ce texte de Jean 9, ou de l'aveugle né, où les disciples, assis là, et les disciples passent avec Jésus, et ils demandent à Jésus, qui a péché, lui ou ses parents? Puis Jésus écarte ce questionnement en disant, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses, il faut regarder en avant vers les œuvres, vers les œuvres de Dieu qu'il veut réaliser dans cette vie. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, dit l'apôtre Paul. Et je tiens beaucoup à ce passage de la deuxième épître aux Corinthiens, parce que d'un côté, c'est vrai, c'est bon de temps en temps de faire vibrer une prédication par sa propre expérience. Mais en même temps, toute expérience est limitée. Toute expérience est limitée, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, nous annonçons le Christ, tout est au centre, c'est le Christ. Alors, je vais vous donner en quelques mots le contenu, le plan de ces 40 prédications. Je commence par une première prédication qui est une sorte d'introduction, mais sur Romains 8, Romains 8, le souffle de l'esprit. J'intitule cette prédication « En quête de spiritualité ». Et puis ensuite, première partie, je commence peut-être, est-ce l'héritage luthérien, dont je me réclame, sans fausse honte, s'intitule « Au fil de l'année liturgique, le salut annoncé, réalisé et célébré ». Ce sont 13 textes, du temps de l'Avent jusqu'à la fête de la Réformation. Je me suis rendu compte qu'il manque ici, c'est une faute que j'ai commise, qu'il manque une prédication sur la fin des temps. Ça apparaît dans d'autres prédications, mais si on avait vraiment entièrement pris l'année liturgique, il ne faut pas s'arrêter évidemment avec la fête de la Réformation. Ça commence par une prédication sur Marie, au temps de l'Avent, c'est-à-dire sur le Magnificat, c'est à dessein. Je m'inscris en faux contre une méconnaissance de la personne de Marie dans le protestantisme. Au XIXe siècle, on a supprimé tous les cantiques qui étaient dans l'espace protestant, y compris en Alsace, beaucoup de cantiques qui parlaient de la Vierge Marie. Mais Marie est une croyante, et donc il y a tout lieu, et quelle croyante, il y a tout lieu d'expliquer, de commenter, d'actualiser, c'est splendide, il ne faut jamais donner d'adjectif au texte biblique, ce texte qu'est le Magnificat. Et puis ensuite, tous les textes, pour toutes les fêtes, y compris aussi pour le temps de la Passion, bien sûr, ou pour l'Ascension, très important, l'Ascension. Et bien sûr aussi le dimanche de la Trinité. Deuxième grande rubrique, l'Évangile et la foi au quotidien. Ce sont encore 13 textes. Je donne quelques titres. Invité au festin, c'est la parabole des gens invités au festin. Une prédication s'intitule Chanter, une autre s'intitule Marcher. Et puis, justement, sur Jean 9, la foi, le malheur et le péché. Et puis une autre prédication s'intitule l'âne de service. C'est évidemment Jésus qui entre sur l'âne, Matthieu 21. Et puis le coq de service, ou une autre prédication sur Jonas, s'intitule « Ne fuis pas ». Et troisième rubrique, 13 chapitres, tout ça, ça fait 3 fois 13, ça fait 39, plus la première, ça fait 40. Ce sont des prédications prononcées à des occasions spéciales, en particulier quand j'ai été installé dans l'église à côté comme président de l'école, j'ai prêché sur Jésus marchant sur les eaux et disant aux disciples, n'ayez pas peur. Et puis deux prédications prononcées à la cathédrale de Strasbourg, l'une au moment où nous fêtions l'adoption de la déclaration commune sur la justification par la foi, catholique protestante, et puis l'autre prononcée lors du rassemblement de Pentecôte 2000, avec le Christ franchir les frontières. Je peux vous dire, c'est pas facile de prêcher à la cathédrale, l'acoustique est horrible. Et il faut vraiment, vraiment parler lentement et distinctement, mais enfin, bon, c'est quand même une belle expérience de prêcher à la cathédrale. Il y a une prédication sur le bon samaritain aujourd'hui, prononcée à l'occasion de l'Assemblée générale de l'entraide protestante à Strasbourg. Et puis une autre, j'ai prêché au moins 4 fois, ou 5 fois, ou 6 fois, au moment du 14 juillet, la plupart du temps, presque toujours, à l'église Saint-Paul. Donc le thème, c'était cette année-là, la liberté. Et puis, il y a quelques années, il y a 3 ans, j'ai prêché sur l'Évangile et la Révolution à l'occasion du 40e anniversaire de mai 68. Il y a de beaux textes dans l'Ecclésiaste et dans les Lamentations qui peuvent très bien être actualisés quand on se souvient donc de mai 68. Alors j'ai fait le compte, en tout donc 40 textes, 10 concernent l'Ancien Testament, sur les textes de l'Ancien Testament, 20 sur les évangiles, peut-être à cause de ce côté narratif, et 4 sur l'épître aux Romains, et puis encore sur d'autres épîtres, quelques-uns d'autres sur d'autres épîtres. Je crois, je ne me souviens plus, je pense qu'il y a quand même un texte de l'Apocalypse. Alors, ça, il faut. Voilà un petit peu la division de ce volume. Voilà, vous savez tout, et son contraire. Est-ce que je peux répondre à des questions, Aujourd'hui, on dit, en allemand, man darf über alles predigen, nur nicht über eine Viertelstunde. Autrefois, c'était 20 minutes, aujourd'hui, on est à un quart d'heure. Même plus, 7 minutes. Pardon ? 7 minutes. Oui, mais plus c'est court, plus c'est difficile. Ah oui. Oui, je ne suis pas sûr qu'il faille rester à 7 minutes. Oui. Pour la télé, c'était ça. Ah oui, pour la télé. La télé. La télé. Mais enfin, moi, je prêche normalement un quart d'heure. Voilà. Dans les églises évangéliques, des fois, c'est une heure. Enfin, oui. Du réveil. Oui, trop, c'est trop. Et je suis sûr, contrairement à ce qu'on dit, qu'il y a aussi une attente. On dit que oui, la parole, il faudrait des images, il faut de la musique, il faut tout. Mais qu'on le veuille ou non, l'évangile, l'apôtre Paul écrit, la foi vient de l'écoute. Quelque part. Et nos réformateurs, il ne faut pas uniquement parler des réformateurs du XVIe siècle, étaient des hommes qui prêchaient. Luther disait même, j'ose à peine le répéter, si on pense à nos balbutiements, Luther terminait quelquefois ses prédications en disant Deus dixit, Dieu a parlé. C'est pas quand on pense à nos balbutiements, à nos efforts, pas toujours couronnés de succès, etc. Il disait à travers moi, même si je suis un âne, eh bien Dieu a parlé, plus ou moins. Je crois que les gens sont quand même en attente d'entendre quelque chose. Oui, tu dirais ça. Oui, oui. Oui. Oui, mm-hmm. C'est ce que je ressens autour de moi. Mm-hmm. Les gens sont beaucoup, beaucoup en attente, sont dans l'écoute et aussi d'apprendre, de voir les choses autrement. Mm-hmm. C'est ce que moi je ressens dans mon entourage. Mm-hmm. Oui. Mais ça demande du travail. Et moi, je vois un peu le cercle, j'allais dire infernal. Mais c'est parce que le terme qu'il faut employer. Je rencontre quelquefois des pasteurs qui disent il n'y a pas beaucoup de monde au culte. Ergo, je ne vais pas me mettre 5, 6 heures ou 7 heures à préparer la prédication. Mais résultat, Le résultat est facile à deviner, n'est-ce pas? Facile à deviner. Et quand j'étais, un certain nombre d'années, j'étais membre d'une commission, qu'on appelle la commission pro ministério, qui reçoit les jeunes pasteurs, etc. Et puis, un jour, un jeune pasteur nous a dit, il me faut encore 5 heures pour préparer ma prédication. Je lui ai dit, mais malheureux, quel est donc votre idéal? Est-ce que vous voulez descendre jusqu'à 1 heure ou quoi? Donc, il trouvait que 5 heures, c'était trop. Je trouve que c'est vraiment... je lui ai fait comprendre que je désapprouvais totalement cette réduction, c'est pas, il faut laisser mûrir une prédication. Ça ne se vient pas comme ça. Il faut que ça mûrisse entre la méditation du texte et l'application, c'est un va-et-vient continuel. Hein. Alors le texte biblique que j'ai utilisé ici, c'est pas celui de la Taube, mais c'est celui de il me paraît souvent plus proche du texte original. J'ai aussi la Taube, bien sûr, je l'ai toujours à côté de moi. Il faut toujours plusieurs traductions, n'est-ce pas, parce qu'aucune n'est totalement satisfaisante. Il faut bien sûr le grec, l'hébreu, c'était déjà un petit peu plus difficile. Mais il faut plusieurs traductions, et dans ce va-et-vient entre les diverses traductions, on fraye son chemin. Et puis, je trouve que ce n'est pas inintéressant de faire paraître au moins, par-ci, par-là, un petit peu, le chantier exégétique et de dire que tel verbe grec, je prends un exemple de l'évangile du dimanche de la Trinité, où on prêche sur Jean 3, Nicodème qui vient de nuit voir Jésus. Eh bien, le verbe grec, qui signifie naître de nouveau, peut aussi être traduit par naître d'en haut. C'est intéressant de voir cette double possibilité, n'est-ce pas, de traduction d'un mot, et puis il y a d'autres mots du même genre, n'est-ce pas, de faire apparaître quelque chose d'inattendu. J'ai une fois lu un théologien allemand qui s'appelait Trilhas, qui disait à propos des prédications: je n'aime pas les prédications où, lorsqu'on prononce une phrase, on sait déjà la phrase qui vient après. Il faut quelque part que ça coule, bien sûr, mais qu'il y ait aussi de l'inattendu. Sinon, les gens se disent, c'est toujours le même disque, ça ne va pas. Donc, Trilhas m'a beaucoup marqué par cette formule. Il ne faut pas, lorsqu'on prononce une phrase, qu'on sache tout de suite, qu'on devine tout de suite ce que va être la phrase suivante. D'autres questions? Mes anciens catéchumènes. Et vous pensez quoi de certaines prédications, de certains mouvements protestants évangélique, la méthode de prêcher, ça dépend, j'ai tout entendu, ce que j'aime, c'est le côté chaleureux de bien des prédications évangéliques, et le côté personnel, et le côté vraiment, et d'enracinement dans la Bible. Ce qui m'a gêné dans l'une ou l'autre, c'est que c'était un peu unilatéralement une explication de texte. Mais ça, j'ai entendu aussi d'un pasteur de l'IRF, qui, ça, je trouve, c'est insuffisant. Il ne faut pas uniquement expliquer un texte. Ça, il faut aller plus loin. Quelquefois, il y a des prédications évangéliques, ça m'est aussi arrivé d'en entendre, qui sont un peu, un peu pressantes, n'est-ce pas, qui veulent absolument... convertis-toi aujourd'hui. Il faut être pressant dans une prédication, mais vous ne pouvez pas, forcer les gens, les contraindre. L'annonce de l'évangile a aussi un côté, j'allais dire, presque de prière. Dieu ne contraint pas. Dieu est à notre porte, il frappe à notre porte, l'image se trouve dans la Bible, mais il ne contraint pas, il ne force pas. Et nous aussi, nous n'avons pas à forcer les consciences et les âmes et les esprits. Nous avons à proposer, à le faire joyeusement. Ce qui est terrible, c'est quand on va monter, ça arrive aussi de temps en temps, de monter un pasteur en chair, fatigué, sous le poids de l'obligation, il emmène encore des livres, encore quelquefois. Non, ça c'est une caricature. C'est pas, je ne dis pas qu'il faut maintenant abandonner les chairs et tout faire en bas, c'est pas, parce que l'acoustique est souvent mieux lorsqu'on est là-haut. Mais souvent aussi, ce n'est pas bien s'il y a trois pelés, quatre tendus en bas, on ne va pas monter en chair et puis, ils sont loin derrière. Et, non, là, il faut vraiment être près des gens. Voilà, donc ça, ce sont peut-être quelquefois des déviations, mais comme dit, j'aime le côté chaleureux, personnel aussi, de bien des prédications évangéliques qui ont tout à fait leur place dans les églises, mais il y a des déviations, des risques partout. Ce qui est évidemment dommage, c'est que certaines prédications, on aimerait, au fond, les prolonger dans le dialogue avec les auditeurs. Ça, c'est clair, hein, parce que là, vous êtes en situation de, comment dire, vous parlez seul. Quand j'étais à Bischheim, vicaire à Bischheim en 1961, il m'arrivait dans le groupe des jeunes de préparer avec eux la prédication du dimanche. Alors, ils venaient à l'église aussi. Ils disaient, qu'est-ce qu'il va dire? En quoi avons-nous pu, nous, contribuer à... il y a plusieurs formules possibles, donc le faire avant, le faire après, mais c'est quelquefois un peu incertain, c'est parce que est-ce qu'on touche vraiment les gens, est-ce qu'on les connaît vraiment assez, et ce qui fait le côté un peu difficile de ma situation maintenant, parce que je suis une fois là, je suis régulièrement dans telle ou telle église, mais je connais un certain nombre de gens, mais c'est très différent lorsque vous êtes pasteur d'une paroisse où vous avez d'emblée évidemment le lien avec les problèmes et si vous vous intéressez aux gens, évidemment ces problèmes vous traversent l'esprit quand vous préparez une prédication. Donc ça c'est pourquoi je trouve qu'il faudrait essayer de prolonger aussi, pas seulement. Alors c'est quand les gens vous disent oui, ça m'a touché, c'était bien, etc. D'accord, c'est bien, on est reconnaissant, mais on voudrait aller plus loin, quelquefois. Mais ça se fait en partie dans les études bibliques. Ça se fait en partie dans les études bibliques. Oui. Mais les études bibliques sont, en Alsace, souvent moins fréquentées que les cultes. Les cultes, c'est déjà pas la gloire, hein. Mais les études, il y a quelque part une appréhension dans des paroisses de bien des fidèles vis-à-vis de l'étude biblique, parce que c'est considéré comme, j'allais dire, comme trop personnel, comme trop, on est trop proche, on a peur de se découvrir, etc. Les Alsaciens, maintenant je rejoins mon autre livre, les Alsaciens ont une pudeur, c'est exactement le mot qu'il faut employer, une pudeur, ils n'aiment pas trop s'exprimer. Je raconte dans l'autre livre cette histoire, je me répète, hein, quand à Urviller, j'ai une fois demandé à un homme pourquoi il allait régulièrement à l'église, qu'est-ce qu'il m'a répondu? Je suppose qu'elle sait même qui c'est, mais il m'a répondu, Morir nix schlechtes. On n'entend rien de mal. C'est pas moi, jeune pasteur, je pensais que j'allais entendre une confession de foi personnelle, percutante, etc. Il m'a simplement répondu ça, et c'était très bien. Mais ça exprime bien la pudeur. Il ne faut pas non plus torturer l'esprit des gens, parle-moi de ton âme, comment va ton âme, etc. Non, il faut respecter aussi la liberté des gens. Ou telle, vous savez, comme c'est telle paroissier qui rentrait chez lui, et il était au culte, et son épouse lui demande... sur quoi le pasteur a-t-il prêché? Il répond, sur le péché. Alors la femme lui dit, et qu'est-ce qu'il a dit? Il était contre. Et ben voilà. Vous savez, on peut raconter d'innombrables histoires sur les pasteurs. Et ça montre bien que l'humour et la sainteté, ou le religieux, le religieux fait place, le sacré et l'humour, s'appellent l'un l'autre, et c'est très bien ainsi. C'est pas l'ironie, c'est pas l'ironie, c'est l'humour. Il faut jamais se moquer des gens, surtout pas l'Église. Mais l'humour, oui. Et il y a de quoi. Je suis prêt à signer, si vous voulez, ou à